liberté n'est plus à vendre. Nationaliste et ambitieux, on peut y croire ou s'y méprendre, avec des rêves au bord des yeux. Des libertés, égalité, sexualité, allez, envoyez! Ma rage, qu'est-ce qui m'engage? Si je veux me soumettre, tant qu'à Dieu aucun maître, et l'enfer qu'à ma tête, où plus rien ne s'arrête, où plus rien ne s'arrête, où plus rien ne s'arrête, où plus rien ne s'arrête, rien ne s'arrête. Libertaire, anarchiste, militant nationaliste, libertaire, anarchiste, militant nationaliste, libertaire. Anarchiste, militant nationaliste, libertaire, anarchiste, militant nationaliste, hey! Ils ont d'un système, en école ce qu'on sème, à pas mûre réflexion, plus aucune ambition, à la lueur d'un espoir, les efforts dérisoires, pour changer le décor. À mort, d'une terre mise à mort, d'une vie mise à tort, mise à mort. Libertaire, anarchiste, militant nationaliste, libertaire, anarchiste, militant nationaliste, libertaire, anarchiste, militant nationaliste, libertaire,